while you're working. I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop it, drop it, drop it on me. Long week-end de congé pour vous les amis, mais pas de panique, Summer Fun est là avec vous jusqu'à 9h en direct. Welcome. On démarre la journée à 5h59 avec une bonne dose d'infos en ce lundi 15 août 2016, signé Benjamin Verporten. Salut Benjamin. Bonjour Anto, bonjour à tous. Des larmes de bonheur pour Nafissa Toutiyam. La Namuroise a reçu sa médaille cette nuit, une médaille remise par Pierre-Olivier Beckers, président du comité olympique interfédéral belge. Pour rappel, Nafitiam, 21 ans, s'est imposée en heptathlon, pulvérisant au passage 5 de ses records personnels en 100 mètres haies, saut en longueur, javelot, le 800 mètres et le saut en hauteur où elle a également battu le record mondial et le record olympique. Dans le reste de l'actualité, un terminal de l'aéroport de JFK à New York a été évacué cette nuit. Le New York Post rapporte que c'était un témoignage d'une jeune femme qui aurait affirmé avoir vu un homme armé dans l'aéroport un peu après 21h30 qui aurait mené à l'évacuation. De sources policières ont affirmé n'avoir trouvé aucune preuve de coup de feu tiré, mais continuent de fouiller le terminal. Tous les vols qui devaient partir du terminal 8 ont été annulés pour l'instant. Les vols entrants ont quant à eux été détournés. Les autorités aéroportuaires de New York et du New Jersey n'ont toujours pas pu être jointes. L'université de Gand reste la meilleure université belge selon le classement Shanghai 2016. L'UGent a gagné 9 places par rapport au classement 2015. La KU Leuven arrive en 93e position. L'université Libre de Bruxelles et l'université catholique de Louvain se classent toutes les deux entre la 151e et 200e place et sont les deux premiers établissements francophones du pays. Enfin, l'université de Liège se trouve elle entre la 301e et la 400e place. Pour la petite histoire, c'est l'université américaine d'Harvard qui domine ce classement pour la 14e année consécutive. Et il faut se rendre à la 4e place pour trouver la première université non américaine, à savoir la britannique de Cambridge. En sport, nouveau record pour Usain Bolt. Le Jamaïcain, vainqueur cette nuit de la finale du 100 mètres, est devenu le premier athlète à remporter 3 fois de suite la médaille d'or dans cette discipline. L'homme le plus rapide du monde disputera encore le 200 mètres et le relais 4 fois 100 mètres. De son côté, Andy Murray conserve son titre olympique en tennis. Le Britannique s'est imposé contre l'Argentin Juan Martín del Potro 7-5, 4-6, 6-2, 7-5. Et enfin, en football, on disputait ce week-end la 3e journée du championnat en division 1A. Et on vous rappelle les nuls d'Anderlecht face à Saint-Tron, de Charleroi face à Gand, de Courtrai à Malines et de Westland Beveren à Genk. Les victoires de Eupen à Westerlo, de Zult face au Standard, de Bruges face à Lokeren et enfin la victoire de Ostend 2-1 face à Moucron. Fun Radio. Dans un instant, côté son dance floor, c'est David Vendetta qui arrive ainsi que le duo Stack Noël et Sean Paul. Juste avant, côté météo, comment on démarre la semaine, Benjamin? Eh bien, ce matin, il y aura localement des nuages bas ou des bandes brouillard, mais l'après-midi, les éclaircies feront leur apparition et s'élargiront progressivement. Les maxima resteront compris entre 20 et 25 degrés. Un retour des infos à 6h30. Tout de suite, le retour du son dance floor sur Fun Radio avec Calvin Harris et Rihanna. Fun. Fun Radio. Tous les matins, c'est Summer Fun. Avec Anto sur Fun Radio. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Watching her, but she's looking at me. is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Sur Fun Radio, il est 6h05. Dans un instant, c'est le duo Shaq Paul et Sean Noël qui arrive. Ça commence bien la journée quand même. Allez, la semaine du 15 août, qu'on démarre ensemble sur Fun Radio avec dans un instant l'éphéméride, l'agenda, des cadeaux et plein de choses à vous offrir. Comment ça va, Coralie, ce matin? Ça va et toi? Mais écoute, très très bien. Long week-end pour certains. Pour nous, normal, puisqu'on continue à vous accompagner tous les jours, évidemment, entre 6h et 9h. Qu'est-ce que t'as fait de beau ce week-end, dis-moi? Eh ben écoute, je suis sortie. Ah bon? Pour pas changer, je suis sortie. Comme d'hab. Oui, j'ai passé un peu de temps avec toi. C'est vrai, on est sortis au fait tous les deux, mais on est au taquet ce matin en tout cas, pour bien démarrer, et on commence comme tous les jours avec l'éphéméride. C'est l'éphéméride sur Fun Radio. Nous sommes le lundi 15 août, premier jour de la semaine, et déjà, oui, le milieu du mois d'août. Et nous sommes le 228e jour de l'année et 33e semaine. Et nous sommes des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. Oui, à Marie, à Manon, à Alfred et à Myriam. Bonne fête à vous les amis. Et puis des stars sont nées ce lundi 15 août. La grande Jennifer Lawrence, actrice d'Hunger Games, bah oui, que tout le monde connaît. Ainsi que Ben Affleck qui a joué dans Batman vs Superman, ainsi que le tout nouveau film Suicide Squad. Et puis on va pas oublier Anthony Anderson qui est un acteur de New York Police Judiciaire ou encore Transformers. Et puis si vous aussi vous avez envie de souhaiter l'anniversaire à un pote ici en direct sur Fun Radio, comment ça se passe? C'est très simple. Pour s'inscrire, on envoie Anif par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. On vous rappelle, juste après David Vendetta, c'est ce qui arrive juste après Sac Noël sur Fun. Welcome. Permanent residence. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Make the trumpets blow. Sing it on a comedy, comedy. Man, them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pon your body, me take up a permanent residence. Trumpets blow. Vous réveillez sur Fun Radio, je vous balance mes artistes préférés dans un instant. Les Major Lazer et Boom, c'est ce qui arrive côté Stone Dance Floor ce matin à 6h13. Et puis Coralie, pas de vacances pour les cadeaux non plus, puisqu'on vous emmène du côté de Nieuport toute la semaine. Pour venir faire du wave karting avec nous. Donc le wave karting, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une sorte de bateau qui ressemble un peu à un jet ski. Ouais. Avec donc un bateau à grande vitesse, vous pouvez aller faire ça sur la mer, vous êtes lâché totalement. Il y a un moniteur évidemment qui vous accompagne, qui vous suit dans un autre bateau, mais vous êtes totalement libre de faire ce que vous souhaitez. Et c'est vraiment sympa parce que nous en plus on a déjà pu tester l'activité. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Bah déjà sur le coup t'as un peu peur, c'est vrai. Puis au final, moi je l'ai fait avec Étienne, notre réalisateur. Et bah tu te mets debout sur le bateau, les bras en l'air, un peu comme Titanic. Et puis franchement, c'est super sympa. Tu vas à plus de 55 km/h. Et je trouve ça franchement exceptionnel pour tous ceux qui ont peur de l'eau en plus. Hein, franchement, c'est accessible et c'est facile à faire. Et donc ce sera à retrouver du côté de Nieuport. Et ça se passera le 28 août. Et vous souhaitez remporter vos entrées en voyant dès maintenant mer par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Et puis si vous avez envie d'oxy qu'on souhaite l'anniversaire d'un de vos potes à l'antenne, comment ça se passe Coralie ce matin? Il vous suffit d'envoyer Anif par SMS au 3044, 50 centimes par message, et je vous rappellerai pour qu'on puisse vous appeler et appeler vos amis. Et puis on reste connecté également via la page Facebook d'émission Summer Fun pour retrouver des concours. J'ai des baffles URL à vous offrir, alors allez-y, allez voir sur la page de Fun Radio comment ça se passe pour remporter ce baffle. Major Lazer, boom, 6h14, c'est ce qui arrive. Took it from a man, he a punk. She got a body like Baywatch. I met her at Playhouse. Bought 10 bottles, bought 10 more. Told her move her ass to the tempo. Is you really with the shit though? Really, is you really with the shit though? We got champagne and vodka. Goons will be up there, need a pile of. Fuck niggas, hate real niggas, get money. All motherfuckin' day. Baby, drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. After the club, I'm smashing. We'll come home to the past. Baby, girl, please, please. Baby, don't leave. You got that booty, booty, boom, bam, bam. Baby, give me that boom, bam, bam. Baby, girl, please, please. Baby, don't leave. You got that booty, booty, boom, bam, bam. Baby, give me that boom, bam, bam. Ow. She a make bag of nice, me no even give a fuck. She a show a lot of sign dollar where you a go do. Take her outside, go smash it pan the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Other, other. Man a girl is, I'm in stanza forever. Yo, please, baby, don't leave. You got that booty, booty, boom, pense évidemment à tous ceux qui prennent la route ce matin pour partir en direction du boulot. Pas de panique, on se console avec Madden et Golden Light ce matin dans un instant. Et c'est ce qui arrive juste après ça. Bonne ou mauvaise nouvelle, comment va se passer votre journée? C'est l'Héroscope sur Fun Radio. Et Coralie, comme chaque jour à 6h17, tu as consulté les astres pour nous. On commence avec nos amis les Béliers. L'amour est au rendez-vous aujourd'hui, profitez-en. Les Taureaux. Passez du temps avec vos amis et prenez du temps pour vous, vous en avez besoin. Les Gémeaux à présent. Essayez de vous concentrer un peu plus sur votre relation amoureuse et tout ira bien. Les Cancers. L'amour risque de bien sonner à votre porte si vous ne l'avez pas encore rencontré. Ah, j'espère, en tout cas les Lions. Essayez d'être moins exigeant avec vos amis et votre chéri ou chérie. Les Vierges, Coralie. Essayez d'allier votre relation amoureuse avec vos relations amicales. Les Balances. Quelques imprévus vont perturber votre vie conjugale. Courage, demain est un autre jour. Les Scorpions. N'hésitez plus en amour et foncez. On fonce sur les Sagittaires. Consacrez plus de temps à votre couple, vous risquerez d'en avoir besoin. Les Capricornes. Il est temps de laisser place au changement. Les Verseaux. Votre joie de vivre fera un grand bien à votre couple aujourd'hui. Les Poissons, on termine. Attention à la routine, prévoyez des projets excitants pour votre relation. Et puis Coralie, aujourd'hui on parle de sport car on est en plein dans les JO. Est-ce que toi tu as un sport préféré, un sport que tu fais même ici en dehors de la radio? Moi j'aime beaucoup le volley et le tennis. Le tennis? Ah oui, surtout à regarder. Ah ça va effectivement, quand on entend les petits cris, quand on voit les petits culs à la télé, ça peut être quand même génial. Regardez, c'est sympa. Est-ce que tu as un joueur belge préféré pour le moment? Non, pas pour le moment, par contre j'aimais bien Justine Hénin à l'époque quand elle jouait encore. Elle était très douée. Vous avez un sport préféré, vous regardez les JO, vous avez envie de partager avec nous vos émotions, ce que vous vivez en le regardant. Ça se passe par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS ou encore via la page Facebook de l'émission. Je vous rappelle qu'on a le concours Uérol à vous offrir sur la page Facebook de Fun Radio. Vous avez dès maintenant, vous partagez, vous likez, vous commentez, puis vous repartez peut-être, je vous l'espère, avec le baffle Uérol 2. Bonne chance, 6h19, voici Madden et Golden Light sur Fun. I held you tight in the golden light. And ever since that time, I've been burning bright, fire deep inside. I just wanna feel your love, I need your love. Wake me back to life. Give me one more night. And I hold you tight in the golden light. In the golden light.

I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Oh, howling at the moon. Il est 6h28, vous écoutez Fun Radio, et dans un instant, c'est la bombe de Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, que je vous cale. Et c'est ce qui arrive juste après les infos. Fun. Fun Radio. À 6h28, on s'informe avec Benjamin Vorporten. Salut Ben. Bonjour Anto, bonjour à tous. L'homme retrouvé blessé dimanche dans un restaurant exquis de la place de Brouckère n'a pas été victime d'une agression, mais se serait automutilé. L'homme a brisé une tasse en café et s'en est servi pour se blesser volontairement dans les toilettes, a indiqué le restaurant dans un communiqué de presse, ajoutant que les blessures semblent superficielles et que les jours de l'individu ne sont pas en danger. Le parquet de Bruxelles avait indiqué hier en fin d'après-midi qu'un homme avait été poignardé à plusieurs reprises et que les auteurs de l'agression avaient pris la fuite. Le restaurant de la place de Brouckère ouvrira normalement ce lundi. Le Brexit pourrait être reporté à fin 2019 en cause les difficultés que rencontrent l'administration britannique et les élections en France et en Allemagne. Le gouvernement de la première ministre Theresa May a indiqué qu'il comptait invoquer l'article 50 du traité de Lisbonne au début de 2017. Le recours à cet article ouvre une période de négociation de 2 ans au terme de laquelle le pays concerné quitte l'Union, ce qui pour un déclenchement début 2017 signifierait un départ effectif début 2019. Dans le reste de l'actualité, 2 terminaux de l'aéroport JFK à New York ont été évacués cette nuit. Le New York Post rapporte que c'est le témoignage d'une femme qui aurait affirmé avoir vu un homme armé dans l'aéroport un peu après 21h30 qui aurait mené à l'évacuation. Des sources policières ont affirmé n'avoir trouvé aucune preuve de coup de feu tiré, mais continuent de fouiller le terminal. Tous les vols qui devaient partir du terminal 8 ont été annulés pour l'instant. Les vols entrants ont quant à eux été détournés. L'autoroute entrant dans l'aéroport a également été fermée. L'université de Gand reste la meilleure université belge selon le classement Shanghai 2016. L'UGent a gagné 9 places par rapport au classement 2015. La KU Leuven arrive en 93e position. L'Université libre de Bruxelles et l'Université catholique de Louvain se classent toutes les deux entre la 151e et la 200e place et sont les 2 premiers établissements francophones du pays. Enfin, l'Université de Liège se place entre la 301e et la 400e place. Pour la petite histoire, c'est l'Université américaine d'Harvard qui domine ce classement pour la 14e année consécutive. Et il faut se rendre à la 4e place pour trouver la première université non américaine, à savoir à la britannique de Cambridge. Enfin en sport, un nouveau record pour Usain Bolt. Le Jamaïcain vainqueur cette nuit de la finale du 100 mètres est devenu le premier athlète à remporter 3 fois de suite la médaille d'or dans cette discipline. L'homme le plus rapide du monde disputera encore le 200 et le 4 fois 100 mètres. De son côté, Andy Murray remporte le titre olympique en tennis. Il s'est imposé contre l'Argentin Juan Martín del Potro 7-5, 4-6, 6-2, 7-5. Et enfin en football, on disputait ce week-end la 3e journée du championnat en division 1A. On vous rappelle les nuls d'Anderlecht face à Saint-Tron, de Charleroi face à Gand, de Courtrai à Malines et de Westland Beveren à Genk, et les victoires de Eupen à Westerlo, de Zult face au Standard, de Bruges à Lokeren, et enfin la victoire de Ostend 2-1 face à Moucron. Dans un instant, un petit souvenir avec le duo Vita et Maître Gims, Game Over, c'est ce qui arrive dans un instant, juste avant. Martin Solveig et Do It Right, et puis côté météo, est-ce que tu as des bonnes nouvelles pour nous, Benjamin? Plutôt des bonnes nouvelles, puisque ce matin, même s'il y aura localement des nuages bas ou des bandes brouillard, l'après-midi, les éclaircies feront leur retour et s'élargiront progressivement. Les maxima seront compris entre 20 et 25 degrés. Un retour des infos à 7h, tout de suite, le retour du son Dance Floor sur Fun Radio avec Justin Timberlake. Fun Radio. Fun. Summer Fun. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Soyez bienvenus, 6h35, vous écoutez Fun Radio avec dans un instant Martin Solveig et Do It Right côté son dance floor. Et puis Coralie, on parle de sport aujourd'hui puisqu'on est en plein dans les JO. Toi, tu as un sport préféré, c'était le tennis, c'est ça? Ah oui, j'adore. Moi perso, j'adore la natation, c'est aussi un des sports évidemment qui est représenté dans les JO. Vous nous avez envoyé par message au 3044 les sports que vous préférez, celles et ceux que vous allez pouvoir peut-être défendre aux Jeux Olympiques si vous étiez sportif. Et alors, il y a la natation qui est revenue énormément, donc les fans adorent vraiment la natation. Bah oui, les auditeurs adorent vraiment la natation. Ou encore, on nous dit aussi l'escrime. L'escrime, c'est pas un sport que je regarde beaucoup, et toi? Bah, pas spécialement, non, parce que bon, c'est un peu répétitif au final. Hein. Ouais, c'est vrai. Sinon, on nous dit aussi de l'athlétisme. En plus, la Belgique est vraiment bien classée. Ça, c'est vrai tellement que, vrai. C'est vrai qu'en athlétisme, la Belgique a vraiment bien. En plus, elle a encore obtenu une médaille d'or ce week-end. Oui, d'ailleurs, on en a parlé dans les infos tout à l'heure, c'est super intéressant, on en reparlera après, évidemment. Et puis, vous, est-ce que vous avez encore eh bien, un sport préféré? Si on parle de natation, Coralie, ça te fait penser à quoi? Si on parle de natation, ça me fait penser à quoi? Ben la natation, ah, ça me fait penser à des beaux corps, des mannequins, beaux corps, évidemment. Beaux abdos, évidemment. Vous avez des anecdotes sur les JO, sur le sport en général? Faites-le nous savoir dès maintenant par SMS 3044 ou encore sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, la page Summer Fun que vous pouvez nous rejoindre. J'adore comme tu es au taquet ce matin, Coralie. Ça fait super plaisir. Likez la page et répondre au message. Merci de vous réveiller avec nous. Vita Maître Game, c'est ce qui arrive dans un instant. Juste avant, c'est Martin Solveig et Do It Right. 6h37 sur Fun. Show me that you make a stand if I Fun Radio. Fun Radio. Tu sais, les mecs comme moi, très souvent ça déçoit, très souvent ça disparaît, ça fait de sales histoires. Je te mentirais des fois pour rentrer tard le soir. Faut que tu saches, ma grande, je ne suis pas un mec pour toi. Je vais finir par me sauver, sauver, sauver. Je ne suis pas un lover, lover, lover. Je me comporte comme un loser, loser, loser. Donc je vais finir par me sauver, sauver, sauver. Yeah. Tu sais, les filles comme moi font pleurer les gars comme toi. Au début, tu penses me tenir, c'est parfait. Je te laisse croire que je suis naïf, t'as l'espoir que je t'obéisse. Tu finiras par attendre et ça à peine. Tu crois qu'une fille comme moi en est à son coup d'essai. Moi j'infiltrerai ton phone quelques heures en arrière. Il est encore temps pour toi d'émettre des regrets. On touchera pas ta caisse si tu me rends mes affaires. Tu finiras par tomber, tomber, tomber. Tu me supplieras d'écouter, saoulé, saoulé. Tu vas finir par sombrer, sombrer, sombrer. T'essayes-toi, car le jouer, jouer, jouer. Je suis les griffes de la nuit, je m'en vais quand tu roupies. J'enfile mes meilleurs habits, j'ai un problème comme Nicky. J'ai changé, c'est bien plus qu'un petit coup de pouce. Cendrillon, bibidi, bobidi, boo. T'es foutu si je te laisse dans cette situation. Ah, un, plus de cadeaux. T'es l'ombre de mon ombre, aussi cadeau. Cindy, sois pas fâché pour t'oublier. J'ai dû t'imaginer en train de chier. Regarde-toi dans la glace, j'étais peut-être le seul type qui n'avait jamais vu le Pink Paradise. Oh shit. Bye, t'es plus de la mif. On va te négliger comme l'ami d'un ami. Je devais te présenter à Karl Lagerfeld. Oh. Vas-y, file. Tu penses à qui quand je rentre sur le beat? À toi qui disais vite ta game sur un feat. Mais c'est quel titre? Maintenant dis-moi qui te met la pression sur le beat. Et si tu danses c'est que vite ta game s'ancre, on fait un hit. Tu vas regretter tous ces moments à t'accrocher comme ça. Comment regretter quand c'est moi qui décide que tout s'arrête là? Tu reverras plus de mecs comme moi. Toi tu m'as prise pour une copie du roi. Je t'avais prévenu, je ne reste pas. Je t'en prie, je ne te retiens pas. Je vais finir par me sauver, sauver, sauver. Les gars comme je ne suis pas un lover, lover, lover. Je me comporte comme un loser, loser, loser. Donc je vais finir par me sauver, sauver, sauver. Yeah. Soyez les bienvenus, on démarre la journée, la semaine ensemble avec dans quelques instants Enrique Iglesias et Duele el Corazón. On part directement en direction l'Espagne. Et ça arrive dans un instant sur Fun. Un problème sur la route, Summer Fun est là pour vous. C'est l'infotrafic sur Fun Radio. Juste avant Benjamin, que se passe-t-il sur nos routes ce matin à Bruxelles en Wallonie à 6h43? Eh bien presque rien à signaler, Anto, si ce n'est ce véhicule en feu sur l'E314 Erlène Louvain à hauteur de Louvain en direction de Louvain. La sortie est fermée. Et en dehors de ça, eh bien la journée devrait être calme en ce 15 août sur nos routes, mais restez prudents malgré tout. Si vous apercevez quelque chose, un ralentissement, un accident ou encore un objet encombrant, faites-le nous savoir par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. C'est ça aussi la Fun Solidarité du matin. Et qu'on puisse eh bien, prévenir la Fun Family. Dans un instant, c'est Zao qui arrive sur Fun. On aura également Galantis et Nomoni. Et puis juste avant, direction l'Espagne. Voici le beau et talentueux Enrique Iglesias sur Fun. Et ça arrive après ça. Sprite. Du pur rafraîchissement. Et puis c'est tout. Sprite. Born to refresh. Fun Radio. Fun Radio. I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Now will you remember? Remember me when I'm gone. Remember the heat, yeah. That's keeping you warm, saying bye. Turn it up, let go.

j'ai les oreilles qui sifflent. Carton rouge, j'ai les oreilles qui sifflent. Carton rouge, j'ai les oreilles qui sifflent. Tout le monde qui n'a pas idée. Il est 6h56, vous écoutez Fun Radio et on se réveille ensemble avec dans un instant Kung, c'est This Girl côté son dance floor. Juste avant Coralie, on vous rappelle qu'on vous envoie du côté Newport toute la semaine. Et oui, pour aller faire du wave karting avec toute la team de Fun Radio. Pour ça, vous pouvez envoyer mère par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Alors wave karting, qu'est-ce que c'est? Ah, bonne question. Ben, c'est un bateau qui va à grande vitesse, qui ressemble un petit peu à un jet ski, mais avec un peu plus de sécurité, vous êtes mieux installé. Ça peut se faire à tout seul ou alors à plusieurs, mais vous souhaitez quelque c'est chose maximum de plus 3, convivial. Je crois. Ouais. Exactement, c'est maximum 3 personnes. Donc vous pouvez à chacun après vous alterner. Vous êtes libre de faire un petit peu ce que vous voulez. Une fois parce que vous êtes lâché, il y a un moniteur qui vous surveille. Parce qu'on l'a testé justement. Ah bah bien sûr, on a été testé. Et comment s'est passé pour toi alors? Ah, c'était nickel, j'ai adoré personnellement. C'était pas la première fois que j'en faisais en plus, donc j'ai vraiment kiffé de fou. On est vraiment libre de faire ce qu'on veut, ça va vite, il y a plein de sensations. C'est vraiment super bien. Donc envoyez mère par SMS au 6322 pour venir en faire avec nous, toute l'équipe de Summer Fun et encore toute l'équipe de Fun Radio. Parce que oui, c'est ça, on peut également les gagner les après-midi en dansant que du fun entre 17h et 20h. Oui, entre 17h et 20h, vous pouvez aussi vous inscrire parce que vous vous inscrivez maintenant. Et ça compte évidemment pour l'émission du matin, mais aimez vous envoyer aussi mère, ça compte aussi pour l'émission entre 17h et 20h. Donc vous avez toutes vos chances de remporter. Et puis également plus d'infos dès maintenant sur funradio.be. On a également des anniversaires à souhaiter aujourd'hui. Comment ça se passe si pourquoi pas on a envie eh bien, de souhaiter un bon anniversaire à son pote à l'antenne? Ça peut être vachement sympa. C'est-à-dire que si l'anniversaire d'un pote aujourd'hui, vous nous envoyez un petit message, on vous sélectionne et puis on appelle en direct votre ami pour pouvoir eh bien, souhaiter tout ça en direct à l'antenne. Comment ça se passe Coralie? Il vous suffit d'envoyer Anif par SMS au 3044, c'est 50 centimes par message. Je vous rappelle et puis évidemment on vous rappelle à l'antenne et on appellera la personne de votre choix à qui vous souhaitez un joyeux anniversaire. Et puis comme l'été on a les meilleurs cadeaux pour vous sur Fun Radio, on a également des baffles portables URL 2 à vous offrir. Ça se passe du côté de la page Facebook de Fun Radio. Très simple pour participer. Vous likez la page Fun Radio, vous partagez le statut du concours et puis vous notez en commentaire avec qui vous aimeriez écouter de la musique avec ce baffle URL. Franchement, c'est le baffle du moment qui est eh bien, résistant à l'eau, qui est super solide, qui est moderne. Vous avez recevé en plus une petite bouée avec sur laquelle vous pouvez le mettre flotter sur l'eau. Franchement, c'est le baffle incontournable de l'été. Alors pour le choper, rendez-vous dès maintenant sur la page de Fun Radio. Tirage au sort demain matin. Dans quelques secondes, côté son dance floor, c'est Drake qui arrive. On aura également Calvin Harris, Kin V ainsi que Kung. Mais juste avant, il est presque 7h. Fun. Fun Radio. À 6h58, on s'informe sur Fun Radio avec Benjamin Warporten. Salut Ben. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Des larmes de bonheur pour Nafissa Toutiyam. La Namuroise a reçu sa médaille. Cette nuit, une médaille remise par Pierre-Olivier Beckers, président du comité olympique interfédéral belge. Pour rappel, Nafissa Toutiyam, 21 ans, s'est imposée en heptathlon, pulvérisant au passage 5 de ses records personnels en 100 mètres haies, saut en longueur, javelot, le 800 mètres et le saut en hauteur où elle a également battu le record mondial et le record olympique. Dans le reste de l'actualité, le régime syrien et son allié russe ont intensifié leurs frappes sur les zones tenues par les insurgés dans le nord du pays, tuant près de 70 civils en 24 heures, notamment à Alep. Sur le front de la lutte contre les djihadistes du groupe État islamique, les forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis ont annoncé la bataille d'Al-Bab après avoir repris aux djihadistes le fief stratégique de Minbej. Enjeu majeur de la guerre qui ravage la Syrie depuis plus de 5 ans, la ville d'Alep est divisée en quartiers rebelles à l'est et quartiers pro-régime à l'ouest. L'homme retrouvé blessé dimanche dans un restaurant exquis de la place de Brouckère n'a pas été victime d'une agression, mais s'est auto-mutilé. L'homme a brisé une tasse à café et s'en est servi pour se blesser volontairement dans les toilettes, a indiqué le restaurant dans un communiqué de presse, ajoutant que les blessures semblent superficielles et que les jours de l'individu ne sont pas en danger. Le parquet de Bruxelles avait indiqué hier en fin d'après-midi qu'un homme avait été poignardé à plusieurs reprises et que les auteurs de l'agression avaient pris la fuite. Le restaurant de la place de Brouckère ouvrira normalement ce lundi. Au moins 7000 personnes ont été secourues en Louisiane. Des pluies torrentielles ont provoqué d'impressionnantes inondations dans la région. Le président des États-Unis, Barack Obama, a déclaré l'état de catastrophe naturelle. Cette décision permet notamment de débloquer des fonds fédéraux d'urgence pour soutenir les efforts des secouristes. Ces inondations ont également frappé l'état voisin, le Mississippi. Selon le gouverneur de la Louisiane, ces inondations ne sont pas finies. La météo nationale a émis dimanche des alertes aux crues soudaines, s'étalant du Texas dans le sud à l'Ohio dans le nord. Trois personnes ont trouvé la mort dans ces torrents d'eau depuis vendredi, toutes dans les environs du Baton Rouge, capitale de la Louisiane. Le Brexit pourrait être reporté à fin 2019 en cause les difficultés que rencontrent l'administration britannique et les élections en France ainsi qu'en Allemagne. Le gouvernement de la première ministre Theresa May a indiqué qu'il comptait invoquer l'article 50 du traité de Lisbonne au début de 2017. Le recours à cet article ouvre une période de négociation de 2 ans au terme de laquelle le pays concerné quitte l'Union, ce qui, pour un déclenchement début 2017, signifierait un départ effectif début 2019. Et le record de Michael Johnson sur 400 mètres vieux de 17 ans est tombé hier soir à Rio. Le Sud-Africain Wayne van Niekerk s'est imposé en 43 secondes à seulement 24 ans. Le champion du monde 2015 a devancé les deux derniers champions olympiques, le Grenadin Kirani James, sacré en 2012, et l'Américain Leshawn Merritt. Le Sud-Africain s'est entraîné au printemps avec le groupe d'un certain Usain Bolt. Fun Radio. Dans un instant, sur Fun Radio, c'est Calvin Harris qui arrive. On se fera un petit plaisir avec Drake ainsi que Kinvey. Juste avant, côté météo, que se passe-t-il, Benjamin? Eh bien, ce matin, il y aura localement des nuages bas ou des bancs de brouillard, mais l'après-midi, les éclaircies feront leur apparition et s'élargiront progressivement. Les maxima seront compris entre 20 et 25 degrés. Retour des infos à 7h30. Ici, le son Dance Floor continue sur Fun Radio avec Kungs. Trouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée, partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son Dance Floor. Summer Fun, c'est du son Dance Floor et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio. démarre la journée ensemble sur Fun Radio, il est 7h05. Vous écoutez Summer Fun en direct jusqu'à 9h avec dans quelques secondes Kinvé et Celle qu'il te faut. En tout cas, ce qu'il vous faut, c'est écouter Summer Fun tous les matins. Et Coralie, on commence avec l'éphéméride du jour, évidemment, pour bien démarrer la journée. Nous sommes le lundi 15 août, déjà le milieu du mois d'août. Et nous sommes le 228e jour de l'année, début de la 33e semaine. Des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. À Marie, Manon, Alfred et Myriam. Bonne fête à vous les amis. Et puis des stars sont nés également ce lundi 15 août. Jennifer Lawrence fête son anniversaire aujourd'hui, la grande actrice d'Hunger Games qu'évidemment tout le monde connaît. Ainsi que Ben Affleck qui a joué dans Batman vs Superman ou encore le tout nouveau film Suicide Squad qui est actuellement au cinéma. Et aussi l'anniversaire d'Anthony Anderson qui est un acteur de New York Police Judiciaire ou encore Transformers. Merci Coralie. Dans quelques instants, on vous explique comment repartir avec vos bons pour aller tester le wave karting du côté de Newport. C'est du bateau rapide à faire sur la mer du Nord et franchement c'est carton. Et juste avant, c'est Calvin Harris qui arrive ainsi que Kinvé et Celle qu'il te faut à 7h06. J'ai foi en l'avenir depuis que je t'ai trouvé. J'ai tant de choses à dire, tant à te prouver. Je ne trahirai jamais ta confiance. C'est seulement tu m'accordais au moins une chance. J'aimerais faire ce rêve une réalité. J'ai peut-être mes défauts mais j'ai mes qualités. J'aimerais t'en savoir ce que tu penses. Même si à mes yeux c'est une évidence. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut. Mais surtout n'hésite pas, laisse-la prendre la première place. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place, baby. T'es là mon sourire. Je ferai en sorte que tes peines soient qu'un souvenir. Après le bonheur tu n'auras plus à courir. Car auprès de toi je le ferai venir. Si toi et moi font nous, on fera des jaloux. Mais je suis prêt à prendre le risque. Tant notre amour est plus fort que tout, yeah. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut. Mais surtout n'hésite pas, laisse-la prendre la première place. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place, baby. Allez, dan, dan, dan, dan, dan, dan, ma ton cœur, dan, dan, dan, dan, dan. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première. Fun, Fun Radio, Radio, Fun Radio, le son dance floor. Look at what you've done. Stand still, falling away from me. When it takes so long, fire's out. What do you want to be? Now I'm holding on. Myself was never enough for me. Gotta be so strong. Now every other day I'll be watching you. Oh, oh. La route du boulot, la route des vacances. Vous écoutez Summer Fun jusqu'à 9h avec dans quelques secondes Drake et One Dance. I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. Le temps pour nous qu'on arrive de parler de Fabien Feuillèche. On le connaît évidemment. C'est un humoriste qui cartonne tous les matins. Il vient nous faire un petit plaisir. Il téléphone à des inconnus. Il essaye un peu de les énerver, de les pousser à bout. On va l'écouter aux alentours de 7h40. Juste avant, on découvre l'extrait du jour. Aujourd'hui, on parle de football puisque c'est un peu le thème de l'émission. On parle des Jeux Olympiques ici. Ah oui. Il essaye de contacter Monsieur Barça en référence évidemment au FC Barcelone. Allô. Oui, Rémi. Oui, Rémi Azac. Oui, bonjour, c'est Fabien Feuillèche à l'appareil. Je t'appelle par rapport aux places pour le PSG. Ah ouais, les places. Alors, je te les fais 100€ la place. Ok, ça marche, nickel. Est-ce que juste tu peux me faire un petit plaisir? Est-ce que tu peux dire allez Barça? Dans un instant également, on aura le club buzz du jour. De quoi il va parler aujourd'hui, Coralie? Le club buzz du jour, aujourd'hui, on va parler de trois sœurs jumelles. Enfin, de trois sœurs jumelles, de trois sœurs du moins. De trois sœurs qui se ressemblent, mais comme deux gouttes d'eau. Exactement. On va vous en parler dans quelques secondes. Ce sera le club buzz du jour. Elles ont fait le buzz sur la toile ce week-end. On va donc en débriefer ce matin. Juste après, on aura également côté Soul Dance Floor de Chainsmokers Die avec Don't Let Me Down. Mais juste avant, c'est Drake et One Dance qui arrivent sur Fun. Il est 7h14. Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. La journée démarre doucement mais sûrement avec Summer Fun. Dans quelques secondes, c'est Chainsmokers, c'est Daya qui arrive. Don't Let Me Down, c'est ce que je vous cale. Et ça arrive après ça. Info Scoop, People, Média, c'est le Club Buzz sur Fun Radio. Et aujourd'hui, qu'on regarde un Club Buzz qui parle d'identité identique. Et oui, exactement, on va parler ici de trois sœurs qui sont exactement pareilles. Mais quand je dis exactement pareilles, sur tous les points, c'est exactement pareil. Quelle alors, horreur. Pour commencer, elles font exactement la même taille, 1m80. Ensuite, elles ont exactement le même poids, 53 kg. Même le même poids, elles arrivent à avoir le même poids. Attends, c'est le même tour de taille, 71 cm. Et exactement, mais alors là, exactement la même peut-être. Taille de soutien-gorge, qui est de 75A. Et c'est pas vraiment un hasard parce que c'est pas vraiment un hasard parce que un les rasoir, trois c'est ça un rasoir, oui. Okay. C'est pas il fallait que je relève évidemment. C'est pas un hasard parce que les sœurs veulent vraiment tout partager, avoir la même apparence en fait. Mm-hmm. Donc elles prennent tout leur rendez-vous chez l'esthéticienne, la coiffeuse en même temps pour avoir les mêmes produits. Elles partagent exactement les mêmes repas, font leur sport ensemble. Donc vraiment, elles sont inséparables et elles veulent se ressembler sur tous les points. Dès qu'elles vont au restaurant, elles doivent commander la même chose. C'est comme si elles ne formaient qu'une seule et unique personne. C'est assez fou. Elles sont inséparables depuis toujours et elles n'imaginent pas leur vie autrement en fait. Et elles sont en couple ou elles sont toutes les trois célibataires? Ça se passe comment à ce niveau-là? Elles sont toutes les trois célibataires. Elles sont toutes les trois célibataires. Oui. Bah donc, ah non, non, il y en a une qui est en couple, pardon, excuse-moi. Elle a une qui est en couple. Oui, Laura est en couple. Donc on parle de Laura, Nicolas et Alison. Donc Laura est en couple. Bah ça doit faire des jalouses dans ton tête. Toi, tu aimerais peut-être avoir une sœur jumelle, mais à qui tu ressembles comme deux gouttes d'eau? Non, non, non, j'aimerais points, pas. J'aimerais ça doit pas. Être effrayant. Ah ouais, quand même. On peut plus nous différencier au final. Oui, non, j'aimerais pas, vraiment. Ça doit être plutôt bizarre, en tout cas. Vous, est-ce que vous aimeriez, pourquoi pas, avoir un sosie comme ça? On partage dès maintenant l'article sur la page Facebook de l'émission Summer Fun. Réagissez, commentez, partagez. Vous connaissez le principe. Dans quelques secondes, c'est l'anniversaire du jour. Coralie, comment ça se passe si on a envie de souhaiter l'anniversaire d'un pote à l'antenne? Il vous suffit d'envoyer Anif par SMS au 3044 et je vous rappelle juste derrière. Ah oui, en plus, on a un jingle chanté pour vous l'expliquer. On revient juste après ça. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un que vous kiffez dans Summer Fun sur Fun Radio, envoyez Anif par SMS au 3044. 50 centimes d'euros par SMS. Fun Radio. Après avoir traversé un désert, affronté une tempête musicale et devancé Neil Armstrong, Tintin est de retour à Bruxelles avec la STIB. Dès le 25 juillet, découvrez les cartes Moby Basic Tintin en boutique et kiosque à l'achat de 10 voyages. Dépêchez-vous, c'est une édition limitée. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. This is Fun Radio. Fun Radio. Only station. Le son dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. About what we could have been, where love could have taken us. Blame it on the wind and cry, cry, cry. You know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Avec Anto sur Fun Radio. I need you right now. Yeah. right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. Fun Radio, Liam Summers. C'est ici que tout démarre. Fun Radio, le son dance floor. Memories on my mind, I think of you all the time. C'est Summer Fun sur Fun Radio avec dans quelques secondes Soprano et le Diable ne s'habille plus en Prana, Cobra Starships ou encore De Oro et Elvis Crespo avec Bailar. Le temps pour nous de parler cadeaux, Coralie, puisque toute la semaine on va vous offrir des places pour aller au Wave Karting. On vous offre deux fois deux places pour aller au Wave Karting, une fois à 8h15 et une fois à 9h15. Donc vous avez deux fois plus de chances de remporter vos entrées. Pour ça, vous pouvez d'ores et déjà envoyer Mère par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Alors pour ceux qui savent pas trop ce que c'est le Wave Karting, c'est comme du bateau rapide, non? C'est du bateau rapide. C'est une sorte de jet ski un peu plus gros dans un bateau que vous pouvez faire à plusieurs ou alors tout seul. Avec beaucoup de sensations, vous pouvez monter à 60 km/h, il me semble. Quand même. Donc c'est plus ou moins 60 km/h, vous êtes lâché en mer, il y a un moniteur qui vous surveille, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez, de naviguer un peu comme vous le souhaitez, d'aller vite ou plus lentement pour ceux qui sont un peu plus effrayés. Donc c'est vraiment à votre guise. Mais et c'est vraiment sympa. Même quand on est effrayé, ça peut quand même facile à faire parce que ouais. Nous on l'a testé Coralie en début de l'été. Et puis bah évidemment c'est toujours un peu impressionnant d'être sur un bateau rapide et sur la mer du Nord. Et c'est vrai que la première fois tu restes à 30 km/h, mais quand tu arrives à quelques minutes d'avoir testé l'engin, tu montes facilement à 50, 55, 60 km/h, les bras lâchés même, puisqu'on peut se mettre debout pour conduire. Donc c'est franchement sympa et c'est ce qu'on vous offre durant toute la semaine. On vous offre également des baffles Uerol 2 Coralie. C'est un tout nouveau modèle de baffle qui cartonne. Il est super, super sympa, super beau design. Et surtout il est résistant à l'eau, il est solide également. Et c'est le baffle incontournable pour les soirées, pour aller à la plage, pour mettre au bord de la piscine également, pour emporter partout avec vous. Comment le remporter? C'est très très très simple. Vous allez dès maintenant sur la page Facebook de Fun Radio, vous likez la page, vous partagez le statut, puis vous commentez le nom de la personne à qui vous aimeriez profiter de ce baffle Uerol 2. Et pour tenter votre chance, bah c'est comme ça que ça se passe. Moi je vous rappelle juste après pour le tirage au sort qui aura lieu demain matin. Dans quelques secondes, c'est Boosty qui arrive sur Fun, Soprano, Cobra Starship sont encore 2€. Juste avant, il est 7h30. À presque 7h30, on s'informe comme toutes les demi-heures avec Benjamin Verporten. Salut Benjamin. Bonjour Anto, bonjour à tous. C'est le grand jour à Liège. On fête le 15 août aujourd'hui en Outremeuse. Au programme dès 9h45, une procession présentant la Vierge Noire d'Outremeuse sillonnera le quartier jusqu'à l'endroit où aura lieu une messe en wallon célébrée en plein air. Entre 14h30 et 18h, ce sera le tour du grand cortège durant lequel près de 20 groupes différents défileront. La journée se terminera enfin par des concerts, fanfares et autres animations du même type que ceux du dimanche soir. Comme les autres années, environ 600 policiers seront présents sur les lieux avec un renfort particulier du ministère de la Défense et de la police fédérale. Des contrôles seront menés aux 10 points d'accès du périmètre de sécurité et les sacs à main seront fouillés aux entrées. Les sacs plus grands comme les sacs à dos ou les valises sont quant à eux interdits. Dans le reste de l'actualité, deux terminaux de l'aéroport JFK à New York ont été évacués cette nuit. Le New York Post rapporte que c'est le témoignage d'une femme qui aurait affirmé avoir vu un homme armé dans l'aéroport un peu après 21h30 qui aurait mené à l'évacuation. Des sources policières ont affirmé n'avoir rien trouvé comme preuve de coup de feu tiré, mais continuent de fouiller le terminal. Tous les vols qui devaient partir du terminal 8 ont été annulés pour l'instant. Les vols entrants ont quant à eux été détournés et l'autoroute entrant dans l'aéroport a également été fermée. Le régime syrien et son allié russe ont intensifié leurs frappes sur les zones tenues par les insurgés dans le nord du pays, tuant près de 70 civils en 24 heures, notamment à Alep. Sur le front de la lutte contre les djihadistes du groupe État islamique, les forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis ont annoncé la bataille d'Al-Bab après avoir repris aux djihadistes leur fief stratégique de Minbej. Enjeu majeur de la guerre qui ravage la Syrie depuis plus de 5 ans, la ville d'Alep est divisée en quartiers rebelles à l'est et en quartiers pro-régime à l'ouest. Au moins 7000 personnes ont été secourues en Louisiane. Des pluies torrentielles ont provoqué d'impressionnantes inondations dans la région. Le président des États-Unis, Barack Obama, a déclaré l'état de catastrophe naturelle. Cette décision permet notamment de débloquer des fonds fédéraux d'urgence pour soutenir les efforts des secouristes. Ces inondations ont également frappé l'état voisin du Mississippi. Et selon le gouverneur de la Louisiane, eh bien, ces inondations ne sont pas finies. La météo nationale a émis dimanche des alertes aux crues soudaines, s'étalant du Texas dans le sud à l'Ohio. Jusqu'à l'Ohio dans le nord. 3 personnes ont trouvé la mort dans ces torrents d'eau depuis vendredi, tous dans les environs de Baton Rouge, capitale de la Louisiane. Le Brexit pourrait être reporté à fin 2019 en cause des difficultés que rencontre l'administration britannique et les élections en France et en Allemagne. Le gouvernement de la première ministre Theresa May a indiqué qu'il comptait invoquer l'article 50 du traité de Lisbonne au début 2017. Le recours à cet article ouvre une période de négociation de 2 ans au terme de laquelle le pays concerné quitte l'Union européenne, ce qui pour un déclenchement début 2017 signifierait un départ effectif à début 2019. Et enfin en sport, nouveau record pour Usain Bolt. Le Jamaïcain, vainqueur cette nuit de la finale du 100 mètres, est devenu le premier athlète à remporter 3 fois de suite la médaille d'or dans cette discipline. L'homme le plus rapide du monde disputera encore le 200 mètres et le relais 4 fois 100 mètres. De son côté, Andy Murray conserve son titre olympique en tennis. Le Britannique s'est imposé contre l'Argentin Juan Martín del Potro 7-5, 4-6, 6-2, 7-5. Et enfin en football, on disputait ce week-end la 3e journée du championnat en division 1A. On vous rappelle les nuls d'Anderlecht face à Saint-Tron, de Charleroi face à Gand, de Courtrai à Malines et de Waasland Beveren à Genk, ainsi que les victoires de Eupen à Westerlo, de Zulte Waregem face au Standard et de Bruges face à Lokeren, et enfin la victoire de Ostende 2-1 contre Moucron. Fun Radio. Dans un instant, côté son dance floor, c'est Boosty et Feel Alone qui arrivent. On va se faire plaisir avec Soprano et le Diable ne s'habille plus en Prada. Juste avant, côté météo, Benjamin, est-ce que tu as des bonnes nouvelles pour nous? Ça va être une belle journée, même si ce matin il y aura localement des nuages bas ou des bandes brouillard. L'après-midi, les éclaircies feront leur apparition, s'élargiront progressivement et les maxima seront compris entre 20 et 25 degrés, donc profitez-en. Un retour des infos à 8h, le son dance floor continue sur Fun Radio avec Deoro. Fun. Fun Radio. Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Es la cosa! 7h39, soyez les bienvenus. Soprano, le diable ne s'habille plus en Prada, c'est ce que je vous réserve dans un instant sur Fun. Le temps pour nous d'accueillir Fabien Feuillèche. Comme chaque jour, il vient nous faire les meilleurs canulars de l'été. Coralie, franchement, on l'adore. On le kiffe, moi je le kiffe perso. L'idée, c'est donc qu'il décroche son téléphone, il appelle des inconnus dans le bottin. Le but est donc de les pousser et leur mettre bah, évidemment les nerfs, les énerver. Aujourd'hui, comme on parle de sport, on se penche sur le Barça. Il appelle justement Monsieur Barça pour bien lui filer des places, je pense, par rapport à ça. Fabien Feuillèche, et il arrive. Fabien Feuillèche. Allô? Oui, Rémi? Oui, Rémi Abraque. Oui, bonjour, c'est Fabien Feuillèche à l'appareil. Je t'appelle par rapport aux places pour le PSG. Ah ouais, les places, ouais, ouais, carrément, ouais. Tu sais, j'ai vu que t'en cherchais. Donc, Ouais, j'en cherche. Parce qu'en fait, je peux pas y aller, moi j'ai un tournoi de Scrabble à Guingamp. Donc, c'est ouais, pour ça. Tu comprends? C'était quand même plus ouais, important, quoi. Ouais. Alors, je te l'ai fait, 100€ la place. Ok, ça marche nickel. Bon, bah super. Alors, si ça te dit, par contre, est-ce que juste tu peux me faire un petit plaisir? Ouais. Est-ce que tu peux dire, allez, Barça? Bah, t'as viré. Non, bah, je peux pas. Bah, tu veux les places? Ouais, je veux les places. Bah, moi, je veux bien te filer les places, mais je veux dire que tu dises, allez, Barça. Non, et après, c'est bon, tu me fais les places. Et après, ouais, bien sûr, après, je te file les places. Bon, allez, Barça. J'ai pas entendu. Allez, Barça. Tu peux dire un peu plus fort? Allez, Barça. À ce moment-là, ce que je te propose, c'est que moi, je vais jouer de la trompette, et puis après, tu finis en disant, Barça. Ok? Mais tu te fous de ma gueule, là. Pas du tout. Pas du tout, pourquoi? Mais t'as viré. Mais toi, tu les veux, les places? Oui, je les veux. Bon, bah alors, quand je fais la trompette, et après, tu dis Barça, d'accord? Ouais, allez, vas-y. Vas-y, on y va. Barça. C'est quoi? Je viens jouer la trompette et je voudrais que tu le fasses, mais un peu plus motivé. Mais va te faire foutre avec ta trompette. Allô? Recoucou Rémi! C'est encore Fabien Feuillèche là? Ouais. Tu m'as raccroché au pif, hein? Ouais, bizarrement, ouais. Bah ouais, mais tu veux plus les places? Mais si, je veux les places, mais je veux pas de trompette. Alors attends, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, je te file les places, d'accord? Ouais. Mais je veux juste que tu chantes Zlatanila, un gros pif. Mais non, mais tu te fous trop de ma gueule là. Mais pas du tout! Bah, il a quand même un gros pif. Ouais, il a peut-être un gros pif, mais toi t'as une toute petite bite, toi. Comment tu sais? Mais avec ta voix, c'est sûr que t'as une petite bite, gars. C'est pas faux. Allô? Recoucou Rémi, c'est encore moi, c'est Fabien Feuillèche. C'est bon, tu m'as saoulé là. Allô? Allô? Coucou! Rémi, c'est moi! C'est Fabien, pour les places pour le PSG! Laisse pourrir les places, laisse tomber! C'est non, non, mais en fait, écoute, je te les donne gratos! Ok, qu'est-ce que tu vas me demander? Je voudrais que tu dises, je m'appelle Rémi, je suis fan du PSG, mais j'ai un kiki rikiki! Ouais, ok! Ah, tu peux le faire? Ouais, ok, je peux le faire! Ouais. Vas-y alors! Ok, je m'appelle Rémi, je suis fan du PSG, et j'ai un kiki, je vais te foutre dans ton espèce de trou de balle, va! Fabien Feuillèche. Bah, il a quand même un gros pif. Ouais, il a peut-être un gros pif, mais toi t'as une toute petite bite, toi. Comment tu sais? Mais avec ta voix, c'est sûr que t'as une petite bite, gars. C'était le Fabien Feuillèche de jour. Merci d'être avec nous, les amis. L'anniversaire de jour, c'est ce qui arrive dans quelques secondes. Coralie, comment ça se passe pour s'inscrire? Il vous suffit d'envoyer Anif par SMS au 3044, 50 centimes par message. En plus, c'est trop bien, vous pourrez faire une petite surprise à l'un de vos proches qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est vraiment un petit cadeau sympa pour commencer la journée. À côté son dance floor, c'est Boosty et Phil Alone qui arrivent. Juste avant, c'est Soprano à 7h42 sur Fun. Bon réveil. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille de plus généreux. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Ça vit plus en Prada. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes voeux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leurs morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la beuh.

quoi de mieux pour entamer la journée du bon pied qu'écouter Fun Radio? DJ Snake, Torik, c'est ce que je vous balance dans un instant. Le temps pour nous d'appeler dans quelques secondes là en l'une d'entre vous qui repartez avec votre wave karting. Le principe très très simple, vous allez pouvoir partir à la mer du Nord, profiter donc de wave karting. C'est un genre de jet ski mais en version bateau rapide que vous allez pouvoir faire dans quelques secondes. Et on a d'ailleurs Ronnie qui est avec nous par téléphone, elle a 20 ans et elle habite du côté d'Andenne. Il habite, pardon. Salut Ronnie, comment ça va ce matin? Salut, ça va bien. Qu'est-ce que tu as prévu de beau pour cette journée du 15 août, dis-moi? Je vais aller faire une balade en vélo. À mon avis, je vais m'enfiler quelques kilomètres. Ah, ben c'est pas mal en tout cas, j'espère que ça se passera bien. Ronnie, tu as envoyé ce matin un petit SMS au 3044, ou même au 6322, pardon, pour envoyer mère. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu repars avec tes places pour wave karting, bravo! Ouais! C'est super. Je t'envoie tout ça à la maison, Ronnie. Tu vas pouvoir profiter donc des plaisirs de la mer du Nord, Coralie. Ah oui, tu pourras aller faire du wave karting avec toute l'équipe de Fun Radio. On te recontactera évidemment pour te donner plus d'infos, mais tu seras accompagné de toute l'équipe et tu pourras emmener la personne de ton choix. Des bisous, Ronnie, à très bientôt. Excellente journée à toi. Vous aussi, merci beaucoup. Bisous. Coralie Desplace, on en a encore à vous offrir tout à l'heure aux alentours de 9h15. Et vous pouvez déjà vous inscrire en envoyant mère par SMS au 6322. On fera le tirage au sort à 9h15. Et vous pourrez aussi donc nous accompagner pour faire du wave karting. Bonne chance. Bonne chance à vous. Gilles est avec nous. Comment ça va, Gilles, ce matin? Ça va très bien, merci beaucoup. On va parler de sport avec toi dans un instant. Oui, tout à fait. On parle de quoi? On va parler de yoga aujourd'hui. Donc vous parlez plutôt sport olympique, les sports bien costauds. Moi je vais parler un peu sport détente. On va essayer de détendre avec le yoga dans un instant. Juste avant ces mots, mais Aloha qui arrive sur Fun, ainsi que DJ Snake et Talk. Soyez les bienvenus, les 8h10. Trump too. Le meilleur de son dancefloor, ça se passe tout l'été sur Fun Radio avec dans un instant Clean Bandit, Kellis ou encore Môme et Aloha. Imaginez-vous les doigts de pied en éventail, le cocktail sur la plage. Eh bien, ça va être possible dans quelques secondes sur Fun. Le temps pour nous, Coralie, de vous offrir du cadeau ce matin. On vous envoie la petite merveille, anciennement appelée Durwi Aventure. Ah oui. Pour ça, on va jouer au Battle Fun. Alors, Battle Fun, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. On va vous passer une chanson qu'on diffuse sur Fun Radio. Mm-hmm. Vous devez nous. Elle sera un petit peu modifiée, un petit peu accélérée par notre stagiaire Étienne. Et vous devrez nous envoyer le titre ou l'artiste par SMS au 3044, c'est 50 centimes par message. Et après, on fera un tirage au sort parmi les bonnes réponses pour choisir un gagnant. Ça arrive qu'il soit un peu compliqué, parce que c'est notre réalisateur Étienne qui modifie tout ça. On va voir si vous trouvez aujourd'hui. Écoutez, c'est le Battle Fun du jour. Le principe très simple, vous reconnaissez l'artiste ou encore le titre de la chanson, vous envoyez tout ça par SMS au 3044, on réécoute. Ça se passe du côté du 3044. Dans un instant, c'est Gilles qui arrive, on parle yoga et détente avec lui, ce sera le fun sport du jour. On aura également Tiesto et John Legend côté Sundance Floor, Clean Bandit, Kelly Sack, Track Me ou encore ici Môme et Aloha. Imaginez-vous dans le sable, et ça va être possible dans quelques secondes. 8h14 sans fun, soyez les bienvenus. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've had these grooves. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it away. Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. You're free now. So now. Suddenly it's all real. The unknown. Sur Fun Radio dans un instant, et Clean Bandit et Tears, c'est ce qui arrive avec un beau petit massacre de titres. Tears, c'est ce qui arrive dans un instant, et c'est juste après ça. Petite remise en forme obligatoire durant l'été grâce à Fun Sport. Et Gilles, aujourd'hui le Fun Sport nous parle de détente, on parle de yoga. Aujourd'hui on parle de yoga, donc on va faire du sport tout en se détendant. On va se détendre, parce que c'est le 15 août, donc c'est l'occasion pour nous en plus de passer du bon temps. C'est ça, donc on va en profiter pour se détendre un petit peu, on travaille pas. Donc je vais vous proposer pour en première posture, parce que ça s'appelle des postures quand on fait du yoga. D'accord. La posture de la fente debout. Ça a l'air très poétique en tout cas, comment ça se passe, c'est quoi l'idée? Alors donc on est pieds joints, jambes tendues, on va toucher le sol avec les mains. Et alors on va lever une des deux jambes comme si on allait faire le grand écart en fait. On va lever les deux jambes, donc on a deux jambes tendues et on lève une jambe. On lève une jambe, c'est ça, tu la lèves le plus haut possible. Ça va détendre tes muscles de la jambe et ça va également travailler ton équilibre. Et ça peut être sympa, un autre exercice peut-être? Tout à fait, un autre exercice qui s'appelle la posture de la déesse. Et combien de temps, c'est vrai, combien de temps ça prend en fait pour faire du yoga? On doit faire ça plusieurs fois par jour, ça prend quelques minutes, 20 minutes? Alors ça c'est un peu en fonction du temps qu'on a. Maintenant ce que j'ai appris, et ça je ne savais pas, c'est que quand tu fais du yoga, en fait tu ne dois pas calculer ta posture en temps, en secondes, tu dois le calculer en respiration. Ah, d'accord. Et donc on conseille généralement de faire trois respirations profondes. Donc tu te mets en position et puis trois grandes inspirations, trois grandes expirations. D'accord. Donc la posture de la déesse, on démarre de nouveau jambes tendues, oui, mes pieds joints, pardon. Alors on va écarter les jambes le plus possible, on va faire un grand pas sur le côté, les pointes des pieds bien sur le côté, et on va plier les jambes comme l'exercice des squats dont je vous parlais la semaine passée. Ah oui, juste, c'est difficile quand même. Hein. Ah oui. C'est plus difficile, mais ça détend, ça relâche les muscles, et ça travaille malgré tout l'équilibre. Ah oui, c'est certain, etc. Un autre exercice peut-être. Voilà, le dernier exercice, donc la dernière posture, c'est la posture de la fente latérale. Par contre, je vais vous poser la question, pourquoi la fente, hein? D'où vient ce nom? Ah ben c'est simplement parce qu'on écarte les jambes en fait. Ah donc ça forme une fente. Ça forme une fente, pas très bête, bien. Effectivement. Donc on démarre les jambes écartées. On va plier la jambe droite et alors on va faire attention. Parce qu'on teste nous ici évidemment en studio en même temps qu'Aurélie. On essaye de faire du yoga simplement en animant cette chronique Fun Sport. Donc on tend les jambes, pardon, on plie juste la droite. La jambe gauche reste tendue. Et on va mettre la pointe des pieds vers le ciel. Et on reste quelques secondes comme ça, le temps de trois inspirations profondes. Et donc tout ça, le yoga nous permet de détendre, c'est ça le principe. Ça détend et ça travaille les muscles mais en douceur. Eh bien merci beaucoup Gilles, on va retrouver tout ça dès maintenant sur la page Facebook de l'émission. Le yoga c'était le sujet du jour pour le Fun Sport. Vous aussi vous avez envie de vous détendre, eh bien restez bien avec nous parce que j'ai plein de surprises et des cadeaux pour vous dans la suite. Comme Clean Bandit qui arrive dans un instant. Juste avant c'est Kelis et Track Me sur Fun. Bon réveil, il est 8h21. Me twice. Freedom to us has always been a trick. Freedom to you has always been whoever landed on your dick. Seen it in you one too many times. Said you might trick me once. Won't let you trick me twice. No, might trick me once. Won't let you trick me twice. Twice. Those days are old and overdone. And it's only cause I'm not with you that you make me number one. Though I may love you, it hurts me deep inside. And now you no longer have to hide. I used to be down with the late night hit. Started getting heavy when I really wasn't ready. Used my past to get my mind. So I fell for your lines like all the time. Thought you were the shit to be playing around. There's a mad girl in town. Could get even here without a sound. It's not how I wanna get down, yeah. Might trick me once. I won't let you trick me twice. Might trick me once. I won't let you trick me twice. No. Might trick me once. I won't let you trick me twice. No, I won't let you trick me twice. No, I won't let you trick me twice. I pay my dues for all. Showed you that I loved you more than once. There's nothing left there to decide. Trick me, I won't let you trick me twice. You might trick me once, I won't let you trick me twice. You might trick me once, no, I won't let you trick me twice. No, you might trick me once, no. but we're not supposed to be. And the truth will always haunt me, even though it set me free. And my tears flow like the ocean as they floated in the breeze. They were falling in slow motion and they brought me to my knees. Oh, you're haunting me, taunting me, all in my brain. Turn out the light and now all that remains fills me with doubt, and I'm shouting your name out loud. Why do you wanna put me through the pain? I get the feeling I'll never escape. Merci de démarrer votre journée sur Fun Radio. Tiesto, John Legend, c'est ce que je vous cale dans un instant. Le temps pour nous, Coralie, de vous rappeler qu'on vous envoie du côté de Durbuy Aventure. Oui, ou encore rappeler maintenant la petite merveille. Pour ça, on va jouer au Battle Fun. Le concept est assez simple. Notre stagiaire Étienne a modifié une chanson qu'on diffuse sur Fun. Vous devez reconnaître le titre ou l'artiste et l'envoyer par SMS au 3044. C'est 50 centimes par message. Écoutez, c'est le Battle Fun du jour. Et un petit indice, pour vous, c'est un chanteur belge, flamand. Alors un petit truc qui a buzzé autour de justement cet artiste sans donner son nom. En 2008, il a repris Ayo Technology, ça a buzzé partout sur la toile. C'est évidemment le titre des 50 Cent. Écoutez, ça c'est son titre du moment qui passe tout le temps. Chanteur flamand belge, logique. Vous avez une idée, vous avez la réponse, ça se passe par SMS au 3044. On tire l'un ou l'une d'entre vous juste après ça. Prenez une bonne dose de fun. Ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio. À 17h, c'est que du fun. Et dès 20h, c'est parti fun. Fun Radio, le son dance floor. Je m'appelle Fox Mulder. Mercredi sur RTL TVI, X-Files, la série qui a marqué les années 90 est de retour. Sommes-nous réellement seuls? Ou est-ce qu'on nous a menti? X-Files, la nouvelle saison inédite, à partir de mercredi, 20h20, sur RTL TVI. Fun Radio. Fun Radio. It's our strangest feeling, feeling this way for you. There's something the way you move, something the way you move. With you I'm ever heating, it's heartache through and through. There's something the way you move, I don't know what it is you do. I want rolling your body, good enough for me. But this heart is open, blood stain on my sleeve.

fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Ma beauté ne me laisse pas. Ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Oui, ton retour est une délivrance. Oui, toi et moi, c'est une évidence. Je sais, ce n'est pas gagné d'avance, mais rien ne m'est fait plus que ton absence. À présent, tu peux compter sur moi. Tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté, repose-toi, ma beauté, repose-toi. J'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté, repose-toi, j'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. T'as tout gâché dans les rues, elle t'abandonne. Et dans la rue, elle t'abandonne. Mais on vous abandonne pas, vous voyez, lundi 15 août, on est présent ensemble en direct jusqu'à 9h avec Cashmere et Wildcard dans quelques secondes. Le temps pour nous, Coralie, de rappeler le Battle Fun du jour. Comment ça se passe pour s'inscrire? Soit par SMS au 3044, on va vous diffuser une chanson qui a été modifiée par notre réalisateur Étienne. Vous devez nous envoyer le titre ou l'artiste par SMS au 3044, c'est 50 centimes par message. Écoutez, c'est le Battle Fun du jour. Avec comme indice aujourd'hui, c'est un chanteur belge flamand qui a repris en 2008 évidemment le titre Eyo Technology. On s'en souvient, c'était un buzz, hein, le titre des 50 Cent. Je vous donne un indice comme pour vous ayez un peu plus facile. La première lettre de son nom est un M et la dernière est un W. Là, j'ai carrément donné la réponse, réécoutez. Première lettre un M, la dernière un W en 5 lettres. Facile, Coralie. Là. Ah oui. Et vous avez la réponse, vous l'envoyez dès maintenant par SMS au 3044. Les idées de sortie, c'est dans Summer Fun sur Fun Radio. Et aujourd'hui, Coralie, dans les idées de sortie du jour, tu nous parles du musée d'art fantastique qui est en fête. Exactement, le musée d'art fantastique et le centre d'art fantastique sont en fête et exceptionnellement ouverts aujourd'hui. La classe. Donc c'est une occasion de découvrir la collection du musée, de profiter des animations féeriques et d'autres nombreuses surprises qui vous seront proposées. Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? Vous pourrez vous plonger dans l'univers de l'auteur du Voyage au centre de la Terre, donc Jules Verne, évidemment, tout le monde connaît, à l'intérieur d'un labyrinthe dont les parois ont été réalisées par des artistes d'exception. Donc tout en se baladant dans un monde étrange, le visiteur voit son parcours un petit peu se compliquer par un quiz sur l'œuvre et la vie de Jules Verne. Des indices sont un petit peu cachés dans le labyrinthe et vous aideront à résoudre ce questionnaire. Donc c'est une aventure pour découvrir la vie et les œuvres de ce célèbre écrivain. Mais donc c'est accessible à toute la famille finalement. C'est accessible à toute la famille, donc pour les plus jeunes ou encore pour les plus âgés. Et ça se passe dans quel coin? C'est du côté de Saint-Gilles, 7 rue américaine, donc à Saint-Gilles. Donc c'est ici à Bruxelles et c'est payant. Ça coûte 7,50€. Et puis sans toutes les infos évidemment sur internet. www.fantastique-museum.be. Là on part dans le Hainaut, côté de la Louvière, avec la journée Fun Famille. Donc des animations pour toute la famille sont au programme sur le site minier du Bois du Luc. Des visites interactives, histoire du comté du tout nouveau livre Belle Fleur, plongeant une petite fille dans l'univers de la mine, une chasse au trésor, un balade sur le terril, des jeux anciens ou encore la présence du food truck au Grand Gourmand. allemande ça pour les plus gourmands. Super sympa, bah oui, effectivement. Ça se passe du côté d'Oudin-Emery. Est-ce qu'on a peut-être un site internet avec des infos? www.boisduluc.com. Merci beaucoup, Coralie. On appelle l'une d'entre vous dans quelques secondes pour celui qui retrouvera le Battle Fun de jour. Première lettre, un M. Dernière lettre, un W. Vous avez la réponse. Vous l'envoyez dès maintenant par SMS au 3044. L'insert aujourd'hui du jour. Coralie, pour les idées de sortie, on partira pour vous faire découvrir quelque chose d'un peu original. Vous allez voir, ça sera dans quelques instants. Juste avant, c'est Justin Timberlake et Cashmere qui arrivent sur Fun. Soyez les bienvenus. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin, wanna take a ride. You know you're dealing with the wild card. If you go all in, I'll make your troubles fall. Démarrer la journée du bon pied, qu'écouter Fun Radio dans quelques secondes. Je me fais plaisir avec mon coup de cœur du moment, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. C'est ce que je vous partage d'ici quelques secondes. Le temps pour nous d'accueillir Kim qui a 26 ans, qui habite Farciennes. Salut Kim. Allô. Salut. Comment ça va bien ce matin, ma Kim? Ça va. Ça va. Alors tu as joué avec nous au Battle Fun. Le principe était de reconnaître cet extrait. Écoutez. Artiste belge, flamand, dont le nom commence par M. Est-ce que tu as la bonne réponse, Kim? Oui. Dis-moi. Milo. Milo, bonne réponse. Ouais. Le titre Howling at the Moon, c'était à reconnaître. Et on a du cadeau pour toi, ma chérie. On t'envoie du côté de Durbuy Aventure, qui s'appelle maintenant La Petite Merveille. Tu pourras y aller avec la personne de ton choix. Et on t'envoie justement les places. Tu restes en antenne, on va prendre tes coordonnées. Bravo, ma chérie. Je te fais des bisous, à très bientôt. Merci, merci beaucoup. Des bonne bisous, journée. Kim, une bonne journée à toi aussi. Coralie, on a du cadeau pour vous encore dans la suite, parce qu'on vous envoie du côté de Wave Karting. Ce sera à Nieuport. On vous explique comment repartir avec tout ça dans quelques instants. On aura côté son dance floor la belge Shakira, Axwell et Sébastien Grosso, ainsi que Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Tout ça et bien plus. C'est ce qui arrive dans la suite. Sprite. Du pur rafraîchissement et puis c'est tout. Sprite, born to refresh.

listen rhythm. Hear the whistle, kick the ball. The entire world soars like an eagle. And we always play like we dance. Only today, there's no tomorrow. Leave all behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Is calling German, Colombian, Spanish, and French. Off the bench, you gotta own it. Down here we play like we dance. It's Brazil, and now you know it. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare. Can you feel it? La la la la la la la la. Le meilleur de son dance floor, ça continue toute la journée, même le 15 août sur Fun Radio. Ouais, ouais, dans quelques secondes, c'est Lost Frequency, c'est du 100% belge qui arrive avec la Beautiful Life. Le temps pour nous, Corée, de rappeler qu'on a du cadeau à vous offrir durant toute la semaine. On vous envoie direction la mer du Nord. Oui, du côté de Nieuport pour aller faire du wave karting. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh ben c'est vous montez sur un bateau en fait qui ressemble un petit peu à un jet ski mais en plus gros. Mm-hmm. Vous pouvez être seul ou alors à plusieurs, maximum 3 personnes. Et vous pouvez conduire en fait ce bateau à grande vitesse qui peut monter jusqu'à 60 km/h. Vous serez lâché en plein dans la mer. Il y aura évidemment un moniteur pour vous surveiller un petit peu et vous montrer le chemin à suivre. Mais vous pourrez un petit peu naviguer comme vous le souhaitez, aller à la vitesse que vous voulez. Et c'est vraiment sympa. En plus, on a pu tester. C'est ça, c'est super excitant parce que nous on l'a testé ici au début de l'été et franchement on est parti avec toute l'équipe de Fun et c'est vraiment le truc à faire. Ah oui, en plus, comme j'ai dit, vous pouvez le faire à plusieurs. Moi qui suis un petit peu moins peureuse que toi, Antoine, par exemple, je suis partie toute seule sur mon bateau. Il faut imaginer la fille, elle était toute seule sur le bateau. Imaginez un peu les. Genre, comment on appelle ça? Le mec tranquille à son volant avec les jambes écartées, le bras ouais, bien tendu. Lunettes de soleil, la fille 60 km/h, tranquillou sur son truc, alors que nous on était tous accrochés, avec David Barbet de C'est que du Fun également. On était tous là super cramponnés du style ah va tomber on a peur et puis elle tranquillou franchement c'est à essayer. Et puis ce qui est sympa c'est qu'on peut également se mettre debout sur le bateau et donc faire un petit Titanic à l'arrière, le conducteur est devant et le passager derrière, il se lève, il met les bras en l'air, je le fais, c'est ridicule en studio, vous ne voyez pas, et donc c'est plutôt sympa et c'est un truc à tester. Ça se passe du côté de Nieuport, ça s'appelle le wave karting, on vous l'offre pour vous inscrire et tenter votre chance. C'est très très très très simple, il vous suffit d'envoyer mer par SMS au 6322, c'est 1€ par message. On fait le tirage au sort dans quelques minutes et on appelle l'un ou l'une d'entre vous juste après ça. Fun. Fun Radio. Et juste avant ça, il est 9h, on démarre la journée ensemble avec une bonne dose de son dance floor, une bonne dose d'infos plutôt avant le son dance floor. Elle est signée Benjamin Verporten. Salut Benja. Bonjour à toi, bonjour à tous. Des larmes de bonheur pour Nafisa Tutiyam. La Namuroise a reçu sa médaille cette nuit. Une médaille remise par Pierre-Olivier Beckers, président du comité olympique interfédéral belge. Pour rappel, Nafitiam, 21 ans, s'est imposée en heptathlon, pulvérisant au passage 5 de ses records personnels en 100 mètres haies, le saut en longueur, javelot le 800 mètres et le saut en hauteur où elle a également battu le record mondial. Et mon record olympique. La Belge a fêté ça avec un selfie en compagnie d'un Usain Bolt admiratif de sa performance.

La journée démarre doucement mais sûrement sur Fun Radio, soyez les bienvenus, il est 9h06. Le duo Eva Simon, Sisney Samson, c'est ce qui arrive dans un instant. Le temps pour nous, qu'on a envie d'appeler l'un ou l'une d'entre vous qui repartit avec vos deux places pour partir au wave karting du côté de Newport. Il s'appelle Nicolas, il a 33 ans et vient d'Anguien. Salut Nico. Bonjour. Comment ça va bien ce matin mon Nico? Ça va super bien. Qu'est-ce que tu as? Bah ça c'est sûr, beau soleil qui arrive, en tout cas des bonnes nouvelles côté météo que Benjamin nous a annoncé juste avant. Qu'est-ce que tu as prévu pour ce 15 août, dis-moi? Bah ici, nous partons à Lille, une petite promenade. D'accord, une petite promenade, c'est plutôt sympa. Ben nous, on t'offre encore mieux qu'une promenade, Benjamin. On t'offre ton essai de wave karting à Mieuxport, bravo. Super, merci. Tu vas pouvoir aller essayer ça du côté de la mer du Nord, Coralie, avec nous en plus, parce qu'on sera toute l'équipe de Fun Radio avec toi pour pouvoir aller faire tout ça. Et franchement, c'est à recommander de ouf. Ah oui, totalement. Tu pourras profiter évidemment de toutes les sensations que le wave karting propose, parce que tu pourras toi-même conduire ton bateau et monter à plus de 60 km/h. Il y aura en plus toutes les vagues de la mer, parce que ça c'est sûr. Quand tu te prends, vas-y explique-nous, quand tu prends une vague, comment ça se passe? Alors tu fais un beau bond et puis tu retombes d'un coup comme ça sur dans l'eau en fait, et t'as tout le coup en fait, du tout le poids du bateau qui retombe, et toi tu t'es secoué en fait. C'est une sensation vraiment super agréable. Imagine c'est la vanne, bien. La vanne creuse, tu es dedans, tu accélères, tu sursautes, tu sautes de ton siège, tu te dis oh purée je tombe, le truc de travers machin, bref des grosses sensations à avoir. Nico, je te fais des bisous, on t'envoie tout ça du côté de la maison et puis à très bientôt. Oui, merci beaucoup, passez une bonne journée. Excellente journée à toi, merci beaucoup. Vous aussi, vous avez envie de remporter des places, comment ça se passe Coralie? Parce qu'on aura en gagné toute la semaine, et notamment ce soir entre 17h et 20h. Il vous suffit d'envoyer mère par SMS au 6322, c'est 1€ par message, et ils tireront au sort ce soir entre 17h et 20h dans C'est que du fun. Et justement, ce soir entre 17h et 20h, Unique sera l'invité des deux David. Exactement, Unique est une chanteuse belge qui est originaire de Gand, qui s'est fait connaître d'abord en 2014, mais qui vient vraiment de percer grâce à son titre Mercy. Donc elle sera l'invitée de ce soir. Unique en live et en interview, ce sera tout à l'heure entre 17h et 20h dans C'est que du fun. Merci beaucoup Coralie. Nous on se retrouve demain évidemment dès 6h. Gilles, sa chronique yoga revient sur Facebook, parce qu'on reste connecté effectivement sur les réseaux sociaux. Sur la page Facebook Summer Fun, venez liker la page, rejoignez-nous, envoyez-nous des messages. On lira tout ça demain dans l'émission. Sans oublier le concours Uérol 2 qu'on passe sur la page Facebook de Fun Radio. Pour le remporter, très simple, vous likez la page, vous partagez le statut et puis vous commentez avec le nom de la personne à qui vous aimeriez profiter de la musique du Sundance Floor grâce à ce baffle. Tirage au sort demain matin, ça se passe sur la page Facebook de Fun Radio. L'œil débarque dans quelques secondes, jusqu'à 13h avec le meilleur du Sundance Floor. Il vous réserve Dua Lipa, la Swedish House Mafia ainsi qu'Eva Simons. Excellente journée à vous, faites plein de bêtises mais faites-les bien. À demain sur Fun. Oh Lord have mercy on me, I don't know what I'm doing. Hope I will be just fine if I let my feelings out. For real I had a good time, just had enough of your mind. Can I really let you go?